On va parler de Snowcross. Le nouvel hebdo nous apprenait la semaine dernière que Tim Tremblay de Saint-Jean d'Arc a décidé de prendre sa retraite. Grosse décision. Une décision quand même surprenante et on va lui parler. Salut Tim. Salut. Tim, c'est une décision. Quand le nouvel hebdo a sorti la nouvelle, ça m'a surpris. Est-ce que d'abord je t'avais parlé à la fin de la saison, puis tu laissais pas présager que tu étais en réflexion pour ton avenir, là? Ouais, ben c'est ça, j'avais comme pas le droit de le dire, fallait que ça sorte directement de BRP, là. Mais moi, depuis le, je pense, 2 ou 3 courses avant la fin de l'année, je savais pas mal que ma décision était prise, là. OK. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as décidé de passer à autre chose? Ben, c'est sûr que moi, j'ai vraiment une belle carrière, puis je suis vraiment fier de qu'est-ce que j'ai fait, mais ça fait 2 ans, je me suis fait sauter sur la tête en motoneige, voilà 2 ans. Puis j'ai été capable de ressortir de cette blessure-là, mais après ça, j'ai comme pas eu, j'avais pas la même vision. J'étais rendu que j'avais quasiment peur de courser, j'avais peur de me faire sauter dessus. Puis depuis les 2 dernières années, là, on dirait que les blessures là commençaient à plus les vieilles blessures que j'avais à ressortir puis tout ça, fait que je commençais à avoir mal au corps puis à être magané puis à prendre beaucoup de pilules pour être capable de courser encore, fait que mon corps était vraiment rendu fatigué, j'avais vraiment mal partout là. Parce que ça prend un entraînement, ça paraît pas, mais c'est une grosse entraînement là. Dis-tu que ça parce que t'as connu une saison moyenne l'année passée, parce qu'on n'a pas d'histoire là. Dis-tu que ça a un lien direct? Ouais, ben c'est certain que ma saison l'année passée, j'étais pas satisfait. J'ai terminé 3e, puis ça a pas été ce que je m'attendais. Et c'est ça, tu sais, à toutes les fois que je faisais des départs, ben j'étais tout le temps peut-être une demi-seconde à lâcher le gaz avant tout le monde avant de rentrer dans le virage, ce qui faisait que je partais plus loin que les autres, puis là, fallait que je remonte, puis ça c'était pas vraiment les meilleures courses que j'ai faites l'année passée, puis c'est ça, tu sais, j'ai 2 enfants, j'ai une belle famille, puis tout, puis je me suis dit que, tu sais, pourquoi continuer quand que j'ai déjà tout atteint ce que j'avais atteint, puis de risquer de me blesser gravement ou quelque chose comme ça pour terminer ma carrière en chaise roulante ou... Ouais. Il aurait pu m'arriver une bad luck, donc pour moi, c'était vraiment... Je commençais à être fatigué, puis je commençais à avoir mal partout. Fait que c'était vraiment le bon temps pour moi. Là. OK. Tim, si on parlait un peu, vraiment, c'est sûr que quand un pilote commence à douter, c'est la faction selon qui perd, hein? Ouais, c'est vrai de ça. Tu sais, dans ce sport-là, tu peux pas hésiter une seconde, parce que, tu sais... Même une fraction de seconde, c'est peu. Même une fraction... C'est ça, ouais. J'étais rendu plus vieux de la gang, tu sais, j'ai 32 ans. Puis je course contre des gars qui ont 18-19 ans. Fait que, tu sais, quand j'avais 18-19 ans, moi, là, je sautais les yeux fermés, le gaz au fond, la poussière de neige dans le visage, ça me dérangeait pas, là, tu sais, mais quand que t'as du vécu, puis tu sais c'est quoi te blesser, puis après ça, t'as des enfants, c'est vraiment là que ça, c'est des étapes que j'ai traversées toute ma carrière, puis j'étais rendu là, j'étais rendu à prendre ma retraite. Là, tu vas faire quoi maintenant à partir de là? Est-ce que tu vas rester quand même dans le monde du snowcross? Est-ce que tu vas travailler ici dans le coin de Dolbeau-Missassini? Parce que t'es revenu, faut le savoir. Là. Qu'est-ce que t'as d'en faire? Ben ça, c'est la plus grosse des décisions de ma vie. Ouais, hein? La plus grosse, c'est vraiment de me retraiter, puis là, c'est vraiment de trouver un... As-tu trouvé ça dur? As-tu trouvé ça dur? Parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes de la retraite qui ont pris leur retraite, que ce soit sur la scène nationale, sur la scène locale, d'annoncer sa retraite. Est-ce que ça, c'est fini? Est-ce que tu as trouvé ça dur? Ben, d'annoncer ma retraite, c'était un soulagement pour moi. Parce que ça faisait longtemps que... T'sais, j'ai eu plusieurs étapes. Quand que j'ai décidé d'arrêter, que le monde ne savait pas, ça a vraiment été dur. T'sais, j'arrivais, puis je pleurais tout seul dans ma maison. Puis, tu sais, il n'y a rien que je pouvais pas croire que tout ce que j'avais fait dans ma vie, que c'était terminé. Mais, tu sais, ça a été en plusieurs étapes. J'ai eu vraiment de la peine au début, puis après ça, tu sais, c'était vraiment de passer les étapes. Puis quand que ça a été à annoncer à tout le monde, ben pour moi c'était comme un soulagement parce que je le savais que j'allais que ma décision était prise, mais c'était juste que quand que le monde allait savoir, là, j'allais être soulagé de ça. Fait que ça a été plusieurs étapes mentalement à traverser. Mais non, là, c'est ça. OK. On vient à ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu entends faire? Ben, c'est ça. Moi, je sais pas encore. Cet été, je voulais vraiment prendre un été off, m'occuper de mes enfants, faire des activités, puis vraiment pas penser à ça trop. Puis après ça, c'est sûr que cet automne, j'ai déjà des opportunités Ah, OK. d'emploi déjà, mais je sais pas encore ce qui m'intéresse vraiment. Fait que c'est pour ça que je veux m'amuser cet été. Je veux vraiment profiter de mon temps de l'été que d'habitude je m'entraînais tout le temps. Fait que là, je peux faire un peu qu'est-ce que je veux avec les enfants, des activités d'ici doux. Puis Ben ouais. rendu à l'automne, ben là, je vais plus recommencer à regarder ça, voir les opportunités, puis qu'est-ce qui m'intéresserait le plus là, pour continuer à travailler. Ton meilleur souvenir en carrière, c'est quoi? Eh, my gosh, je te dirais les victoires, les championnats, c'est vraiment ceux-là qui sont le plus le fun. Tout le travail que j'ai fait pour gagner, puis gagner des championnats, ça a vraiment été ça, les T'as pas meilleurs. vraiment de souvenir particulier, une course qui t'a rendu célèbre, qui t'a rendu vraiment, tu dis elle, plus de satisfaction? Pas vraiment, non. On dirait OK. qu'à chaque victoire, c'est vraiment quelque chose d'un feeling, l'adrénaline, puis tu sais, de gagner, c'est vraiment le même feeling. Mais peut-être ma première victoire en pro, qui était quand même de quoi d'exceptionnel, que là, j'étais vraiment rendu au top. Mais sinon, les victoires et les championnats, c'est vraiment ça qui retire le OK. plus. Et as-tu trouvé ça dommage que tu n'as pas plus de reconnaissance chez vous? Moi, ça me dérange pas. J'ai jamais été un gars OK. qui recherchait vraiment ça. Tu sais, OK. je suis quasiment plus connu aux États-Unis Ben qu'au oui, Québec, pas c'est juste pas ça non trop la plus. dire, mais Ouais. moi, ça me dérange pas. Tu sais, le monde qui suit ça, ils savent ce que j'ai fait, puis les autres, ben, ça me dérange pas pantoute, là. Non, j'ai jamais couru après ça. OK. Ben, Tim, félicitations pour ta belle carrière. Ça fut vraiment agréable de te côtoyer. On a fait plusieurs entrevues ensemble. Bravo. Je pense que tu as bien représenté Saint-Jean-d'Arc. Tu as bien représenté le lac Saint-Jean. Et passe une bonne retraite. Et peut-être au plaisir de se reparler un autre tantôt. Ouais, parfait, merci beaucoup. Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc qui a annoncé sa retraite la semaine dernière du Snowcross.